En 1968, à la demande du président, Helms commanda une nouvelle étude sur le mouvement contestataire étudiant à travers le monde, qui devait s'appeler « Jeunesse agitée ». Le rapport « Jeunesse agitée » conclut que les origines du radicalisme étudiant étaient à chercher dans l'aliénation politique et sociale aux États-Unis, et non dans des conspirations issues de l'étranger. Il y eut deux versions de ce rapport. La première fut communiquée au président et à son conseiller pour les affaires intérieures, Walt W. Rostow. Sur la couverture du mémo daté du 4 septembre 1968, Helms avait noté « Vous serez sensible, bien entendu, au caractère particulièrement délicat de ce rapport, du fait qu'il s'agit d'un rapport de la CIA sur les activités du mouvement étudiant aussi bien à l'étranger qu'aux États-Unis. » Une autre copie de ce rapport fut communiquée à Henry Kissinger le 18 février 1969, à la suite du changement d'administration qui suivit l'élection de Nixon. Kissinger était alors son conseiller pour la sécurité intérieure. Sur la couverture, une nouvelle note de Helms soulignait que, légalement, le sujet du rapport n'était pas du ressort de la CIA. Afin de concrétiser la discussion que nous avons eue à ce sujet, il y a dans ce rapport un chapitre sur les étudiants américains. Ce n'est pas du ressort de l'agence, aussi n'ai-je pas besoin d'insister sur le caractère particulièrement délicat de ce rapport. Si jamais quelqu'un d'autre venait à en avoir connaissance, ce serait très embarrassant pour nous tous. Une seconde version, allégée de son chapitre sur les activités intérieures, a connu une diffusion un peu plus large au sein des différents services de renseignement. Le groupe Chaos n'avait pas participé à la rédaction du rapport « Jeunesse agitée », bien qu'il ait revu et corrigé le texte sur certains points avant qu'il ne soit diffusé. Mais les informations qui y étaient contenues venaient, bien sûr, du groupe. Le 20 juin 1969, le conseiller du président Nixon, Tom Charles Houston, demanda à la CIA, de la part du président, un rapport sur l'appui des communistes étrangers au mouvement contestataire des États-Unis. Houston estimait que les rapports précédents manquaient de renseignements pris au sein des mouvements contestataires eux-mêmes. D'après la lettre de Houston, le président voulait savoir quels étaient les moyens de surveiller le soutien des communistes étrangers aux jeunes contestataires américains, si ces moyens étaient efficaces, si les lacunes provenaient d'un manque de moyens ou bien d'un manque d'attention à la question, quelles mesures pouvait-on envisager de prendre pour surveiller le plus efficacement possible ces activités? Houston voulait savoir si la CIA était habilitée à réunir ce genre d'informations. Elle avait au maximum 10 jours pour répondre. L'agence répondit le 30 juin 1969 par un rapport intitulé « Le soutien des communistes étrangers à la subversion intérieure ». Ce rapport concluait que, malgré le soutien des communistes à travers les conférences internationales, il y avait très peu d'indices prouvant que des communistes étrangers finançaient ou entraînaient les mouvements américains, et aucun indice montrait qu'ils les contrôlaient ou les dirigeaient. La CIA avait joint à son rapport du 30 juin un mémoire qui rappelait qu'elle travaillait sur cette question depuis 1967. Elle soulignait aussi l'étroite collaboration entre la CIA et le FBI et annonçait que de nouvelles sources indépendantes, celles-ci, seraient prospectées. Vers le milieu de l'année 1969, l'opération Chaos prit la forme organisationnelle qui allait rester la sienne pendant 3 ans. Ses effectifs furent portés à 36 personnes. En juin 1969, un directeur délégué lui fut adjoint. Il devait collaborer aux affaires administratives et prendre la responsabilité des informations secrètes qui parvenaient au groupe. Plus tard, les responsabilités furent partagées entre 3 chefs de branche. La croissance du groupe, autant en effectif qu'en activité, fut accompagnée par un isolement plus sévère et de nouvelles mesures de protection. on avait déjà logé le groupe dans une cave. On renforça les mesures de sécurité concernant ses communications avec l'extérieur, même pour les standards téléphoniques de la CIA, déjà placés sous le signe de la rigueur. Une liaison directe avec le FBI fut établie. Le 6 septembre, Helms, directeur de la CIA, distribua une note interne aux responsables de chaque division, leur demandant d'aider au maximum le groupe Chaos dans ses activités. La distribution de la note ainsi que son contenu était très exceptionnelle. Cela souligne son importance. Dans cette note, Helms confirmait que le groupe Chaos était chargé du côté opérationnel pour tout ce qui concernait les activités de la CIA dans les milieux radicaux. Il espérait que chaque département de l'agence coopérerait en exploitant les sources déjà existantes et en en découvrant de nouvelles, et que le groupe Chaos aurait accès à ces sources. Plus loin, Helms disait qu'il croyait que la CIA avait trouvé la bonne solution en s'acquittant de cette tâche tout en observant strictement les statuts et en s'abstenant de toute ingérence dans les problèmes intérieurs. Cette note du 6 septembre, préparée entre autres avec le chef du groupe Chaos, poursuivait au moins trois buts. D'abord, elle confirmait l'importance de l'opération Chaos parmi les objectifs de la CIA. Ensuite, elle répondait aux objections qui s'étaient élevées au sein même de l'agence sur ce problème. Enfin, elle assurait que l'opération Chaos recevrait de toute façon l'aide dont elle aurait besoin, y compris en personnel. Un mois après cette note du 6 septembre, un agent opérationnel d'une autre division fut mis à la disposition du groupe Chaos, qui avait dès lors la responsabilité de la gestion de ses propres agents. Pour bien comprendre comment Chaos utilisa ses agents, il faut d'abord étudier les différents plans qui avaient été développés auparavant par d'autres secteurs de la CIA. 1. Le plan numéro 1. En février 1968, le Bureau de la Sécurité et une section de la Direction des Opérations ont présenté conjointement un plan numéro 1 qui fut d'abord intitulé « Pour un effort opérationnel au sein du mouvement anti-guerre et du mouvement noir aux États-Unis ». Le plan consistait à infiltrer des agents dans les principaux mouvements pour qu'ils collectent des informations sur les communications, les contacts et les voyages des individus ou des groupes avec l'étranger. Cette proposition fut rejetée en mars 1968 par Helms, sous prétexte qu'elle apparaîtrait, si elle était réalisée, comme une violation des statuts de l'agence et provoquerait, lorsqu'elle serait connue, ce qui à son avis ne manquerait pas d'arriver, un large mouvement hostile à la CIA. Quelque temps plus tard, le plan fut modifié. Sa nouvelle version interdisait l'infiltration des groupes américains par des agents de la CIA à des fins de renseignement sur leur fonctionnement intérieur. Tous les contacts avec ces groupes devaient être secondaires, l'objectif principal étant de recueillir outre-Atlantique les renseignements concernant l'influence étrangère sur la subversion intérieure. Le plan ainsi modifié fut approuvé par le directeur des opérations, à la condition que les activités qui en découleraient soient soumises à son contrôle étroit. Mais il n'y a pas de preuve que ce plan soit jamais devenu opérationnel. L'histoire de ce plan numéro 1 montre clairement que la CIA n'ignorait pas que ses statuts lui interdisaient l'usage d'agents dans des opérations de politique intérieure. La pénétration aux États-Unis même de groupes contestataires pour obtenir des renseignements sur leurs activités intérieures était interdite.